Wow. Mesdames et messieurs, et bienvenue dans l'antre de la crypte. C'est ça, pourquoi est-ce que nous sommes dans la crypte ce soir, Vincent? Parce que c'est un LBF spécial aujourd'hui. Un spécial LBF de quoi? De déjà le meilleur podcast de l'univers, on le rappelle. Bien sûr, évidemment. Qui nous fait aujourd'hui une spéciale Halloween. Bien sûr. Halloween. Donc, Halloween. Du coup, en fait, le principe, c'est quoi? Non, chuchoter. Vraiment non. Ah, ok. Ça va être terrible. Et inaudible. Et non, du coup, effectivement, petit épisode Halloween ce soir. Vous avez vu, nous avons vraiment fait une mise en scène sympathique. Un setup. Et entre un setup sympa. Exactement, un setup sympa. Et entre deux démons, on s'est dit qu'on allait invoquer un ange. Et nous recevons... Anus Carlotus. Anus Carlotus. Sur les réseaux. Donc tu vois, ça fait vraiment nom de démon satanique latin. Tu vois, Anus Carlotus. Anus Carlotus, je t'invoque. Et normalement, après, t'as un rendez-vous pour une coloscopie. Alors, qui es-tu, d'où viens-tu et surtout, pourquoi Satan? Pourquoi Satan? Je m'appelle Anne-Charlotte. Yes. Parle bien dans le micro, juste. D'accord. Voilà. Ouais, tout près. Que je t'y reprenne plus. Hein. Ok. Je fais de la photo. Yes, I. Je fais des études en infographie pour après faire du motion design. Oh là là, on représente le motion design. Et je viens de Nice, voilà, okay. Du sud. Bah nice, j'ai envie de dire. De Saint-Raphaël même. Oui. Saint-Raphaël. Saint-Raphaël. Quel beau nom, Saint-Raphaël. Exact. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Vincent? Ça doit exister, je pense. Ouais. Sûr, il y en a plein, il y en a plein. Santa Vincenzo. Eh bien écoutez, sans plus attendre, j'ai envie de trinquer... À notre sens. Quoique, comment est-ce que ça va, Vincent, d'abord? Moi, ça va super. Oh là là, qu'est-ce que ça va bien. Regarde, on est là, on est posé, on a des bonbons qui... moi, j'ai envie de perdre le jeu pour avoir des alors, bonbons. Alors, spoil pas, spoil pas. En tout cas, trinquons la nôtre. Oui. Et toi, comment ça va? Eh bien, écoutez, on est de retour pour le meilleur podcast. On va faire un des meilleurs épisodes, je pense. Honnêtement, on s'est donné du mal à essayer de faire des trucs un peu cool. Exactement. On avait déjà fait un épisode l'année dernière avec, avec Elia, Emilia et Rob. Oui. Un épisode spécial Halloween. C'était très cool aussi. On avait exactement à peu près la même mise en scène, mais sauf que c'était pas filmé. Oui. Et cette fois-ci, on fait croquer. Sauf que la différence, c'est qu'on avait vraiment une tonne de bonbons qu'on a gardé sur les bras pendant 2 mois après ça. 2 jours, car on a tout mangé très vite. Ouais. Non, cette fois-ci, au lieu de tonnes de bonbons, on a choisi ça, qu'on a ramené de Londres. Exact. Donc, vous savez, si vous êtes féru d'Harry Potter, c'est les fameux flageolets. Non, les fameux dragées piégées, qui soit ont de un de Bertie Crochu. Ah. Quoi? Ah. Il y a un des... petits soucis de micro. Ah, c'est le mien. Super. Place pour ton iPad peut-être ouais, pour faire un poids. Je vais tester. Je pense. Oui, du coup, Harry Potter, si vous écoutez, regardez, lisez, je sais pas, faites ce que vous voulez avec Harry Potter, mais si ça vous intéresse l'univers d'Harry Potter, ce sont les fameux dragées piégées qui ont soit un goût excellent, soit un goût horrible, tel crotte de nez. Exact. En fait, il y a à chaque fois, elles sont par paire. Il y en a, elles sont toutes différentes, comment dire. On peut voir qu'elles ont des couleurs différentes et des textures différentes. Et à chaque fois, soit c'est un truc horrible, soit c'est un truc très très bon. Du style, par exemple, chocolat au pudding. Non, chocolat au pudding. Pudding au chocolat. Ou nourriture pour chien. Ça le refait, mec. Ah merde. Ah, c'est bon. Nourriture pour chien, ouais. Effectivement, toi, tu avais eu pudding au chocolat. Ouais. On en a mangé 2. Quand on était à l'aéroport, donc représente le podcast d'avant. Oui. Le podcast d'avant que vous pouvez voir, qui est toujours disponible et qui a été fait à l'aéroport de Stansted en Grande-Bretagne. Voilà. Après un vol raté qui nous a fait rester pendant presque 10 heures dans l'aéroport. Donc on en a profité pour faire un podcast, ce qui est normal. Exactement. Et du coup, toi, tu avais eu pudding au chocolat et j'avais eu nourriture pour chien. Pâté pour chien en conserve et c'était dégueulasse. Et le pire, c'est que ça avait vraiment le goût, tu vois. Ouais. Enfin, j'en ai jamais goûté, mais c'est le même, la même odeur. Donc j'imagine que c'était vraiment la même chose. Exact. Donc, pourquoi est-ce que nous avons ces bonbons? Car nous allons jouer à un jeu. Alors, ce n'est pas le rap ou pas rap, mais c'est plutôt film d'horreur ou pas film d'horreur, de film d'horreur, de la comédie. Voilà. Quoi? Voilà. Attends, mais t'es parti en freestyle, là, pour ce nom. Je rappelle, je suis bourré, attention. Ouf, mais j'ai t'as bu 1 centilitre, je suis bourré. Il est sous, complètement. Il est complètement sous. Non, mais c'est le même principe que celui qu'on avait fait dans l'avant-dernier épisode. Sur les films, ouais. Ouais, où on était seuls tous les deux. Seuls tout. on était seuls tout. Et pas d'invité. Pourtant, on était peut-être seuls tout, oui. Mais touche un membre de ma clique et tu verras qu'on n'est pas tout seul. C'est vrai. Putain, mais t'es ultra street en vrai. Hein. Tu sais, moi, je suis né à même le pavé. Donc, oh, waouh. Je connais. Grinder. Représente le Grinder. Non, le Grinder, hashtag 1080oscope. Non, mais du coup, voilà, même concept, voilà. Sauf que c'est avec des films d'horreur dont on a altéré. Voilà, on les a pimpés, on a altéré le synopsis pour en faire un truc un peu comique. Et du coup, une personne va du coup parler, enfin va raconter ce synopsis et les deux autres doivent à chaque fois la trouver. Le premier qui trouve, il a rien et le perdant pioche un bonbon. Donc c'est aléatoire, voilà, soit il a la chance. Et si personne trouve, là les deux prennent un bonbon, donc là comme ça c'est fair enough. Et le même si possible. Exact. Anus Carlotus, oui. Grand démon. Ah non, je t'ai présenté en tant qu'ange. Ouais, mais pas si ange que ça, attention, hein, on le voit derrière lunettes se cachent des choses maléfiques. Je te laisse donc nous parler de ton premier synopsis, quel est-il? Super. Alors yes. On a une mise en place qui est très longue. Suspendu. Il y a un build-up. Au suspense. Oh là là là là. Tel un très bon film d'horreur d'ailleurs. Exact. Elle maîtrise son sujet. C'est parti. Il était une fois. Non, parce qu'après, finalement. Il était une fois. Je suis pas sûr que. Vas-y. Non, c'est bon, j'ai dit plus rien. Il était une fois deux nanas qui se. Faisait une petite balade tranquille en voiture, dans le noir, sous la pluie, au calme. Ouais. Quand tout à coup, un de leurs pneus crève. Elles ont donc la bonne idée d'aller toquer à la première maison. The Human Centipede. Chier. C'est ça, hein. Quoi? Yes, I. Quoi sûr. Mais j'avais, quand elle a dit deux meufs en voiture, je me suis dit, c'est ça. Sûr, mais ça. Pour, mais je savais. Bon bah. Oh mince, je vais devoir manger un bonbon. Allez, go. Alors c'est soit vomis. Oups, c'est soit alors pour vous c'est lequel, c'est celui de cette ligne ou celui de cette ligne? Je pense que c'est celui-là, non? Bah alors c'est soit poisson mort, soit strawberry banana smoothie. Écoute. Ah la tienne, attends, je regarde. C'est quoi barf? Vomi. Ah ouais, je crois. Ouais. OK. Ah ça a pas l'air bon hein. Donc c'est quoi, poisson pourri? Non, poisson pourri, tu le sens vraiment. À mon avis, c'est plus vomi, je sais pas, non? C'est quoi? Vomi. Vomi. Nice. À la tienne, mon pote. Oh. À la tienne, mon pote. Allez, enchaînons. Oui. Le tien, Vincent. Tiens, c'est une sonorité intéressante, le tien, Vincent. Le tien, Vincent. Ah, attention, le petit bug Il va falloir vraiment changer ce câble. C'est déjà arrivé par le passé, mais ça n'empêche qu'on reste le meilleur podcast, même avec des problèmes techniques. Let's go. Alors, je me mets derrière mon écran pour vous. Alors, le film, c'est... Bah, en fait, c'est vous qui allez trouver, c'est pas moi qui vais vous le dire. Donc... Alors, la nourriture est le sujet principal du film. On y découvre toutes sortes de plats, mais exclusivement à base de viande. On suit la vie d'une petite famille qui n'en a que faire du principe de ne pas jouer avec la nourriture, puisqu'ils vivent leur meilleure vie en se déguisant directement avec leur petit plat. Donc, t'imagines que la nourriture, c'est quoi? C'est des humains, non? J'imagine. Exact. Ok. J'aurais dit animal lecteur au début, mais comme t'as dit que c'était une famille. Ouais, c'est une famille. C'est une famille reculée du Texas. J'ai regardé le synopsis, le vrai. La colline à des yeux? Non. Le Seigneur des Agneaux. Comment je pourrais vous aider? En gros, c'est après la fermeture d'un abattoir. Quelle idée. Alors, ça me dit rien. Il y a un outil, dans le film, il y a un outil qui est utilisé pour couper les arbres. Une tronçonneuse? Le massacre à la tronçonneuse? Yes. Ah ouais? Exact. Putain, je m'en souviens plus du tout. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Okay, moi, je ne l'ai pas vu. Mais je connais. À Charlotte, à toi. Alors, je te sors le bonbon. Quel gentleman, toujours, hein. Excellent gentleman. Je vais dire extrêmement. Bah d'ailleurs extrêmement. Alors, excellent gentleman. J'ai l'impression que tu as soit pêche. Je pense que c'est ça. Hein. Soit vomi, mais je sais pas. Du coup t'as eu poisson pourri alors avant là. Bah, je... honnêtement, je sais pas. Ou alors c'est pêche. C'est quoi? Bah, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est... Est-ce que c'est poisson mort ou vomi? Je crois que c'est vomi. Ah. Ah, donc c'est moi qui ai eu poisson mort finalement. Nice. Comme je savais pas le goût d'un poisson mort, j'ai pensé à du vomi, mais c'était pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Putain, une fois, je suis passé à côté d'un étang de pêche, je sais plus pourquoi, et il y avait le cadavre d'un poisson par terre, mais genre qui était mort, tu vois. Il a... Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je suis allé lui voler sa bière. On vole pas la bière des gens. Et genre, il y avait un poisson mort par terre, et je l'ai retourné avec mon pied, tu vois, parce que vraiment il était cuit, et je me suis dit, et ça grouillait. D'asticots, c'était dégueulasse. Et en fait, je sais pas pourquoi, on ne sentait pas l'odeur, mais une fois que je l'ai retourné, tout est remonté. Je vous jure, à l'heure actuelle, c'est encore une des pires odeurs que j'ai jamais senties. Terrible. Est-ce que, terrible. Est-ce que au moment où c'est arrivé à ton nez, t'as eu un. ok, c'est donc à moi. Non, mais c'était une question, après t'es pas obligé de répondre. Mais... Non, non, honnêtement non. Mais j'ai très peu vomi dans ma vie. Anecdote, j'ai très peu vomi dans ma vie. Wow, c'est un super pouvoir. Merci. Une équipe de scientifiques. C'est encore une question, mais. C'est... Ah, toi, d'accord. Bah, c'est un super pouvoir. Ça, c'est un super une question. Pouvoir, c'est un super pouvoir. Ça, c'est pas une question. Va te faire foutre. Je mérite. Une équipe de scientifiques pointus va découvrir à ses dépens que manger des œufs peut occasionner des maux de ventre sanglants. Alien. Ouais, c'est Alien. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon bah, tu vas encore devoir en manger. Hein. T'es abonné. Ah, oublie, elle fait exprès, en fait, elle adore ça. Elle a eu un bon truc avant, du coup, elle veut regoûter. Bon, celui-là, je suis plutôt sûr du fait que c'est soit... œuf pourri. Non, lait... les cahiers. Soit... noix de coco. L'écaillé, c'est dégueulasse. Oui. Bah, c'est une des fois où j'ai vomi, d'ailleurs, le l'écaillé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Noix de coco? Mais j'ai l'écaillé. L'écaillé? Ah. Ah, fais gaffe, on t'entend pas. Mais ça va. L'écaillé? Mais ouais. Ça l'écaillé, va. L'écaillé, mais ça ouais. Va. Mais déjà, c'est bizarre, parce qu'au truc de vomi, avant, t'as moyennement réagi. Donc, je commence à croire que ça te plaît, en fait. Oh, j'ai l'écaillé! Oh ouais! Yes. Vomi! Oui. Anne-Charlotte, à toi. C'est à toi, ton deuxième film. Est-ce qu'on va avoir un build-up comme tout à l'heure? Alors, ça se passe aux États-Unis et pendant 12 heures. Walker, Texas Ranger. Non. Ils font la grosse fiesta bamboula et ils s'éclatent littéralement la tronche. Waouh! Alors là, aucune idée. T'as des petits indices. Je dirais la fête le soir de l'élection de Donald Trump. C'est pas un film, je dénonce. Bah, en gros, pendant 12 heures, tout le monde a le droit de tout faire. Ah, la purge! La purge. Non, putain. Oui. Yes, allez hop, prends ton bonbon. Let's go. Putain, si j'arrive à faire un sans faute, bah c'est bien. Bon, alors, je vais prendre le. Au moins, on en a pour la suite. Yes, c'est parfait. Nickel. Je vais prendre le noir. Et donc, c'est soit. Oh non, paix depuis toi. Paix depuis soit toi. Licorice, je sais pas ce que c'est. Mais comment le paix. Faudrait pouvoir manger un paix depuis toi pour savoir. Mmh. Ah non, c'est spray, c'est pas forcément un paix. Ouais, mais quoique. J'aime bien l'appellation paix depuis toi. Paix depuis c'est toi. Non, mais. Licorice, c'est quoi liqueur. Je sais pas. Bon bah. Je connais pas. Licorice. J'ai envie d'aucun des deux. Mais... Let's go. Ah, c'est réglisse en fait. Ah! Mais c'est j'aurais préféré paix depuis toi. Paix depuis toi. Là, t'abuses un peu, je pense quand même. J'abuse. Mais c'est vrai que le réglisse. Non, quoique en vrai, je suis d'accord avec toi. Le réglisse, c'est vraiment la pire chose. Ah ouais, c'est horrible. Alors. Attends, je suis motivé. Pour moi, ce film fait l'apologie du racisme. Les protagonistes de l'histoire font affaire à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, et au lieu de chercher à la comprendre et à cohabiter, ils essayent de l'isoler le plus possible. Je comprends presque pourquoi elle les traque pour les tuer un à un. Putain, ça pourrait être beaucoup de choses. Hein. Mm. Ça se passe où? Au site? Ça se passe dans un endroit très confiné, puisqu'il s'agit d'un véhicule de transport. Pendant tout le film. Ah ouais? Ouais. D'un véhicule de... C'est quoi, c'est Life? Non. Mm. Plus simple. Plus simple. Aucune idée? Non, toujours. Dans un véhicule de transport? Ouais. Style... Style vaisseau spatial, donc en fait. Donc c'est Alien. Oui, en fait. C'est Alien. Okay. On a vu le même. Okay. Bon bah Anne-Charlotte, je crois que t'as vraiment envie d'en manger encore. Hein. Je t'ai dit, elle adore ça. Alors attention. Et à mon avis, c'est soit Tutti Frutti. Tu penses pas que c'est celui-là plutôt? Parce que là, ça a l'air d'être juste des points, alors que là, c'est des taches, ouais, tu vois. Donc, chaussettes qui puent ou Tutti Frutti. Ou alors, est-ce que ça pourrait être lave-vaisselle dégueu ou birthday cake? Gâteau d'anniversaire. C'est vrai que c'est Tutti Frutti. Ah ouais? Ah, bon, bah ça va. Bah, je pense que si tu fais pas la tronche, c'est que c'est bon. Ouais, ouais, mais tout à l'heure... C'est vrai qu'avec elle, on sait pas. Du coup, c'est à moi. C'est à toi. Putain, oui. On arrive déjà au dernier, incroyable. Exact. Trois étudiants se rendent en forêt pour vlogger sur de légendaires rituels meurtriers qui s'y seraient produits. Projet Blair Witch. Bien vu. Super. Je finis quand même. Super. Oui. La Morvonnée, leur vlog va devenir l'une des preuves les plus horribles et dérangeantes de l'histoire. Oh. Écoute, bien trouvé, bien trouvé. Merci. À du toi. Coup, bah, pour une fois. Hein. Ouais, t'as déjà eu le blanc. C'est marron. Du coup, c'est soit dog food, donc nourriture non, pour chien, impossible, je l'ai eu. Ou chocolate pudding. Bah, en fait, il y en a plusieurs peut-être. Marron, alors. Donc, ouais, à mon avis. Ok. Il y en a combien? Franchement, c'est possible parce que là, il y en a peu. Et ouais. Vu qu'il y en a beaucoup encore, je pense que ouais. C'est chocolat. Ah, c'est ce chocolat. Que t'as vu. C'est ce que t'as vu. Nice. Bah, ils ont. Nourriture s'entendre de ce côté. Super. Hein. Nourriture pour chien. Tu l'aurais senti, hein. Ouais. D'après Quentin. C'était immonde. Immonde. Exact. Ok. Et je glisse. Tranquille. J'adore le ski, le surf. Tout ce qui est ride, j'adore. Bon, bah, soirée d'Halloween. Donc, choses qui font peur. Mm-hmm. Choses qui font peur, les cauchemars. Mm-hmm. Choses qui font peur, les phobies. Mmh. Racontez-nous quelque chose. Enfin, une phobie. Une phobie. Waouh. Qu'avez-vous comme phobie? C'est la meilleure transition. Merci. Que j'ai jamais vue. je me suis entraîné plusieurs fois. Ah bon? Devant la glace tout à l'heure, ouais. Eh ben, ça valait le coup. J'étais là. Oui. Alors, note. Les couper, peu importe ce qu'ils disent, et enchaîner sur un sujet forcé. C'était exactement ce que j'avais écrit. Bah, du coup, c'est dans respecté. Mes notes. Bien vu, bien vu. Qui commence? Qui commence? Bah, écoute, en tant que gagnant, j'y vais, comme ça vous laisse Vas-y. Un peu de papier. Moi, j'ai en tout cas. Alors, moi, j'ai pendant longtemps, c'est passé, mais j'étais absolument terrifié, mais jusqu'à la paralysie, hein, c'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger, j'avais énormément de mal à respirer par tout ce qui est guêpe. Parce qu'en fait, quand j'étais gamin, d'ailleurs, j'ai encore la cicatrice. Là, je vois mal. Oui, c'est à ce doigt-là. Je sais pas si tu verras bien à cause de la lumière, mais on voit une cicatrice au milieu du doigt, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Je sais pas. Non, je vois pas. Un peu. Vous voyez ou pas? Si tu veux. Au niveau là. C'est voilà. Bref. Et en fait, quand j'étais gamin en primaire, on était dans un bac à sable. Vous savez les bacs à sable des écoles primaires là, qui sont remplis de merde de chat, de trucs machin, et mm-hmm. On barbote joyeusement, on se les joyeusement. Joyeusement. On se lance du sable dans les cieux. Tu connais hein. Ah bon, oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et du coup voilà, je me rappelle encore du gamin qui était avec moi. Il s'appelait Étienne. Shout out Étienne. En plus, je l'ai recroisé il y a pas longtemps dans Etienne, un supermarché. Étienne G. Non, pas du tout. Ah, okay. C'en est un autre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Et du coup, en fait, on est là en train de barboter joyeusement. Mm-hmm. Et il y a une guêpe qui vient se poser innocemment sur le bord du bac à sable. Et moi, curieux, car enfant, je me dis, oh, trop bien, qu'est-ce qui se passe? What's going on? C'est rouge. C'est rouge. J'étais daltonien déjà. C'est ce jour-là que j'ai compris d'ailleurs. Non, mais je me dis, oh, trop bien, c'est bizarre, machin. Et j'avais pas encore. On me disait que c'était dangereux, tu vois, qu'il fallait pas les avaler ou quoi, mais j'avais pas encore ce truc de putain, il faut absolument faire attention parce que ça pique, ça peut faire mal et tout. Oui. Et Étienne, lui, il était malade. Il voulait la mort de la guêpe, tu vois. Quoi? Genre, il a vu la guêpe et il a dit oh, je vais la tuer. Genre, je vais la goumer, je vais la goumer. Grave, grave, il était chaud patate, tu vois. Et du coup, il arme son pied pour le poser comme ça, bam! Fatalement, oui. Et avec toute sa puissance sur cette petite guêpe. Et moi, comme un héros vegan, je me dis non, je ne peux pas laisser faire ça. Et j'ai mis ma main sur la guêpe. Sauf que cette. Bon, en vrai, je comprends tout à fait, c'est un instinct de survie. Elle s'est sentie agressée, tu vois. Moi, je voulais la protéger, mais de son point de vue, elle, c'était quel est en train d'essayer de m'étouffer ou de m'écraser, tu vois. Donc il y a eu un malentendu, tu vois. Malheureusement, ce n'est pas passé. Hein. Ouais, alors c'est suicidé pour te faire un peu mal. Et du coup, bah attends, justement, je mets ma main dessus et lui il fait « Oh, t'es pas drôle, machin », il s'en va. Et au moment où je veux enlever ma main, c'est là qu'elle me pique. Ce que je comprends tout à fait, même si je t'en veux encore, même si t'es mort, ça fait quoi ? Ça fait peut-être 15 ans, un truc du genre. Et j'ai eu trop, trop mal. Parce que j'ai, genre en fait, non seulement la douleur physique, il y a eu la douleur morale de la trahison, tu vois. De ouais. Sauver quelqu'un qui te poignarde littéralement après, tu vois. Et genre vraiment jusqu'à pendant 2-3 heures après j'étais au bout de ma vie et tout. C'est ce jour-là que j'ai compris que la vie c'était de la merde. Oh là là là. Non, je rigole pas. Non, quoi? Je rigole pas. Quoi? Je rigole pas. Non mais vraiment là ce jour-là je me suis dit ok, donc deux choses à retenir. Mieux analyser une situation. Mm-hmm. Et deuxièmement, bah, les guêpes, laisser, ça pique. Laisser les enfants défoncer les insectes. La nature, exactement. C'est ouais. Comme ça, bien sûr. Ouais. Non, mais voilà, effectivement, ça fait partie des choses qui arrivent. Parce que, ouais, ouais je comprends tout à fait. Et mais moi, c'est pas du tout une phobie animale ou quoi. Ouais. Même si bon, comme tout moi, le monde. Moi, j'ai la phobie qu'on me laisse pas finir mon histoire, ce qui va arriver. Mais okay. Quoi y a pas, t'avais y a pas fini. Non. Si. Non. Bah si. Non. Bah si. Non. T'as dit c'est depuis ce jour-là que normalement quand quelqu'un dit ça, c'est acté que c'est la fin en fait. Ouais. Sauf que au début, avant de commencer l'histoire, j'ai dit que j'avais pendant longtemps la phobie. Donc ça veut dire que je l'ai plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, mais qui veut savoir ça? Ok, très moi, bien. Moi je veux le savoir. Très bien. Non, non, très bien. Si, vas-y. Moi, non, je non, veux non. Le savoir. Ça restera un mystère à jamais. Vas-y. Enchaîne. Non, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Non, on fait juste la coupure oui, et après t'enchaînes. Ça marche. Let's go. Et on est de retour. Voilà. Donc vous allez maintenant enfin savoir pourquoi Quentin n'a plus peur des guêpes. Non mais en vrai, ça a été un... vraiment. Vous avez déjà réussi à combattre une phobie ou pas? Non. Non, ça, non. Ça reste toujours ancré en vous. C'est dur en même temps. Ouais. Putain, c'est dur. Mmh. Le meilleur moyen de. Bon après, je sais pas si on peut parler de phobie à ce niveau-là, parce que phobie, c'est vraiment on ne peut rien faire, on est paralysé quoi. Donc je sais pas. Bah justement, un jour, je suis rentré de quand j'étais au collège encore. C'est là que j'ai commencé à vouloir combattre cette phobie et j'ai réussi à la dépasser. Mais j'étais tranquille dans le salon chez moi, dans mon ancien appart, enfin celui de ma mère. Et une guêpe rentre et se pose sur le rideau. Elle était à genre 5 mètres de moi. Et je suis resté pendant 10 minutes à la regarder et à me dire « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» Et j'ai dû appeler ma mère et j'étais paniqué. J'étais terrifié. C'est vrai. Alors, c'était à quel âge? Invivable. Franchement, j'étais devenu déjà assez vieux. Je devais avoir peut-être 13 ou 14 ans, tu vois. Et tout doucement, j'ai commencé à quand il y en avait une autour, je fermais les yeux, après tranquillement, juste je regardais, machin et tout, et maintenant ça va. Mais putain, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Et dire qu'il y a des gens qui ont des phobies dont tu peux encore plus difficilement, enfin que tu peux difficilement dépasser, tel, tu vois, genre l'agoraphobie et tout, la peur de la foule ou la claustrophobie, ouais, ça, ouais. Ça doit être super dur aussi. Ça doit être chaud, ouais. Mais c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein. Bah, par exemple, une tique. Ça oui. Peut te foutre une maladie. Wow. Tu deviens un légume, quoi. Donc. Non, moi, je suis un homme fort. Le moustique et le chikungunya. Mon organisme passe au-dessus de ça. La mouche tsetse. Au-dessus aussi. Le rat et la peste. J'ai déjà testé, j'ai rien eu. Putain, bonhomme. Ouais. Wow, impressionnant. Non, mais moi, personnellement, ma phobie, je ne sais pas si on veut parler de ça, mais ce dont j'ai le plus peur, c'est tout ce qui est être en mer et n'avoir rien autour et surtout ne pas savoir ce qu'il y a en dessous de soi. Mm. Et ça me fout mal. Genre, je suis sûr que si j'étais dans cette situation, j'aurais le vertige, alors que bah, je sais pas, c'est impossible que je tombe, mais... J'aurais un peu des sensations de vertige et tout. Et est-ce que tu penses que si, par exemple, admettons, c'était la mer, oui. Mais que tout était transparent et que vraiment tu voyais genre à 2 km, tu vois. Ouais. T'aurais peur quand même, tu penses? Je pense moins déjà, beaucoup ouais. Moins. Parce que là, c'est vraiment là, la c'est peur que tu de... vois rien. On ne voit rien. On est immergé. Il y a juste la tête qui dépasse. Tu et te rappelles tout le reste de... est vulnérable. Comment il s'appelait? The Meg, qu'on était allé voir avec Jason Statham. Ce moment où il regarde machin, tu sais, genre il regarde plusieurs fois sous l'eau, au dehors, tu sais, il cherche le mégalodon, machin. Et au bout d'un moment, il plonge encore une fois la tête dans l'eau. Et là, t'as juste le Meg en gros plan. Ouais. Putain, ça, c'était vraiment flippant. Ça doit vraiment faire peur. Mais le mégalodon, qui est donc quand même un film dans lequel Jason Statham pète la gueule. Un requin géant. C'est le préhistorique. C'est le synopsis. C'est et réussi en plus, incroyable. Ah oui, bon, temps, tu spoil un peu. Mais il fallait s'en douter. C'est Jason Statham contre n'importe quelle créature du monde. Il la défonce. Exact. Il la défonce. Attends, mais t'es bourré là. Il la défonce. Il la défonce. Anus Carlotus. Voilà. Bah, moi, du coup, c'est nul parce que c'est pareil que Vincent. C'est vrai, c'est lourd. La même phobie. Sauf que vraiment, genre, quand c'est très profond et que je ne vois rien et que je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds, et bah, je panique et je suffoque. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ah ouais. Suffoquer en étant en train de nager, c'est compliqué. Je panique. Mais même quand genre t'as la plage pas loin et tu sais que t'as pied pas loin. Oui. Tant que c'est profond, tant que je vois rien, bah, j'ai peur. Mm. Et dans ces moments-là, est-ce qu'il faut que quelqu'un te ramène carrément? Mais j'y vais pas du coup. Ah ouais, ok. Mais si par exemple quelqu'un te fait une blague et ça t'est jamais arrivé, non? Non. Te pousse, genre tu fais une balade en bateau et quelqu'un. Non. Mais en plus, je suis une grosse flippette parce que je fais. Je te permets pas. Quand je vais à la plage, je vais un peu loin, genre pour avoir le plus pied. Genre, je me dis, oh putain, je suis trop un fou là. Wow, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et après, je reviens très vite. Très, très vite, je... très, très vite en crawl et tout. Non, mais j'ai déjà eu des accès de peur. Genre, je suis un peu loin et d'un coup, je me dis, oh putain, il faut que je rentre. Et du coup, je vais le plus vite possible au bord de l'eau. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. C'est vrai que c'est effrayant. Ça va, j'ai pas trop cette peur de l'eau. Moi, j'ai à cause des dents de la mer quand même un petit peu ce truc avec le requin, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est ultra rare et surtout dans les endroits où je vais, il y en a genre une fois sur un million, tu vois. Il t'avait fait flipper ce film. Tu l'avais vu il y a longtemps. Ouais, quand t'es ça fait partie des films quand t'es gamin, tu sais, qui participent à construire ta vision de la réalité, tu vois. Ouais. Et donc ça a construit aussi cette peur des requins, alors qu'en vrai, qu'est-ce que tu veux en croiser en Corse? Enfin, il peut y en avoir en Corse, mais c'est super rare, tu vois. Ouais. Donc pourtant, quand j'étais petit, dès que je mettais la tête sous l'eau, tu vois, je regardais pas parce que j'avais trop peur de faire ça et qu'il y en ait à 1 cm. En plus, c'est et court. Du coup, tu te disais, s'il le voit pas, il me voit pas. parce que son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Attends, mais c'est Jurassic Park, je sais pas. Et après, j'ai vu Sharknado, j'ai dit, attends, ils sont trop cons les requins. Et j'ai plus eu peur. Et t'as vu Sharknado quand ils sont dans des tornades en train de... Bah, le principe du film, quoi. Ah, c'est dès le premier. Ouais. Ah, je savais plus si c'était à partir du 5 ou mais du 6. Là, c'est devenu un truc de malade, genre ils vont dans l'espace et tout, c'est un truc de malade. Genre. Non, mais c'est terrible ce genre de film. En plus, c'est même pas drôle à regarder, je trouve. Ça dépend. Je trouve que le premier, ça va, parce que c'est vraiment absurde, mais plutôt bien fait. Et juste dans les derniers, là, toutes les suites, ils en avaient plus rien à foutre. Genre, ils sont en roue libre complet, tu vois. Ouais. Ils ont juste... Je suis sûr, ils font une réunion de scénario. Ils disent, bon, les requins, ou ça? Dans l'espace, allez, c'est signé. Qu'est-ce qu'on rajoute en plus? Des tronçonneuses. Et en plus, je crois, dans le dernier, il y a... Je crois que c'est une épée laser ou un truc genre, je sais plus. Enfin, c'est vraiment un truc très spécial. Un truc très bien. Très ouais. Ouais. Ce qui peut occasionner des phobies aussi, c'est les cauchemars. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé. Oui, on en avait parlé dans l'épisode d'avant, ouais. Mais on en a eu d'autres depuis. Et en plus, on a une nouvelle invitée. Oui. Donc, est-ce que tu fais des cauchemars? Non, je ne fais pas de cauchemars. Est-ce que tu rêves? Oui, je rêve. Ah, mais quels sont tes rêves? Est-ce que tu rêves de trucs totalement fantastiques ou juste des petits rêves du quotidien comme ça? Eh bien, je fais des petits rêves du quotidien. C'est vrai. Par exemple, la dernière fois, je suis allée chez le coiffeur. Ouais. Juste pour demander des renseignements. Dans le rêve? Non, dans la vraie vie, admettons. Et ensuite, j'ai vu une vidéo d'une meuf qui se faisait raser les cheveux. Et après, j'ai vu une story Instagram d'une meuf qui demandait si elle devait se couper les cheveux ou pas. Okay. Du coup, j'ai rêvé toute la nuit en boucle que je me faisais couper les cheveux. Okay. Voilà. Et ça, c'est pas un cauchemar, ça? Parce qu'un cauchemar, c'est pas forcément tu te pisses dessus. Oui. Ça peut être aussi tout simplement un truc angoissant avec beaucoup de pression, tu vois. Non, jamais. Ah ouais? Non. Punaise. Bah... C'est quand même dommage de ne pas libérer tout ce potentiel créatif horrifique pendant la nuit. Putain, c'est ouf. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne cauchemarde pas. Non, vraiment. Et tu fais souvent des rêves quand même ou pas? Bah, des fois, je m'en souviens pas. Vincent, note. Il faudrait un jour qu'on fasse un podcast sur les rêves et tout. Franchement, ça peut être trop stylé. Ouais. Alors, tu sais, sur tout ce qui est rêve lucide, paralysie du sommeil, des trucs comme ça et tout. Ça bah, vas-y, je note. C'est parfait de pas me le dire en off, mais... Attends. Vincent, tu parles comme Patrick. C'est vrai. Attends, arrête, tu parles comme C'est une référence à Camping. T'as vu Camping? Non. Bah, tant mieux. Non, oh. En vrai, le premier, ça va, il est plutôt bien fait. Plutôt bien fait ou drôle? Non, il y a quelques séquences quand même pas mal drôles. Okay. Dans le premier uniquement. Bah, tout le reste sont des cauchemars. Oh, les cauchemars du camping. J'ai dabé. Toi, Vincent, Quentin, est-ce que t'as des cauchemars à nous raconter? Des trucs qui te... Tu sais, par exemple, quand tu travailles avec un rappeur à faire un vidéoclip, là, ouais. Et que, genre, non. Tes fichiers sont effacés. Par exemple, tu fais non, des cauchemars comme ça. Non, ne parle pas de choses horribles comme ça. Parce qu'un jour, ça va arriver, c'est sûr. Non, en vrai, j'ai jamais rêvé de mon taf... Que ça soit. J'ai déjà fait. Putain, t'es vraiment un geek. Oh, d'ailleurs, il y a des techniciens de Bouygues Télécom qui sont venus m'installer une fibre plus puissante chez moi. Moi, je m'en vais. Hein. J'ai déjà entendu cette histoire trois fois. Et je vous jure, la représentante qui était là, d'ailleurs, au début, il y avait juste un démarcheur. Il a fait venir sa représentante. Donc, au bout d'un moment, on était déjà à deux personnes de Bouygues dans mon salon. Je me suis dit, bon, on va peut-être se calmer. C'est pas une soirée. Et genre, elle fait, ouais, vous allez voir, la fibre va être 3 à 4 fois plus puissante. Après, elle a regardé mon ordinateur et elle a dit, mais bon, ça, vous devez savoir ce que c'est vu que vous êtes un gros geek. Du coup, t'as dit, j'annule. Je lui ai dit, j'annule le contrat. Vous m'avez séduit, je prends. J'en prends deux. Je prends deux box. Deux fibres. Elle a dit, vous avez un ordinateur? J'ai dit, oui, mais je suis un gros geek. Non, mais énorme geek. Voilà, et franchement, ça va, c'est détente, tu vois, je vais pas le prendre mal. Mais je me suis dit, c'est vraiment le genre de truc que tu peux te permettre qu'avec un jeune, tu vois. En même temps, un vieux comprendrait pas l'expression. Un gros quoi? Un gros quoi? Un geek? C'est quoi un geek? Bah, regardez, vous avez une tablette, vous devez l'utiliser. Je sais pas ce que c'est, ce truc. On me l'a offert à Noël, je ne sais pas m'en servir. Puis après, tu regardes toutes les photos. Déjà, la plupart des photos sont prises sans faire exprès quand elle essaie de déverrouiller. Parce que les photos comme ça, hein. Les fameuses photos de daron. Ouais, les photos de profil Facebook. Ah, des voilà gens un truc qui me fait cauchemarder. 45 ans. Les photos, alors Facebook en général, mais les photos des darons sur Facebook. Ça me ça, fait cauchemarder. C'est des cauchemars. Ça me donne des sueurs froides. Des fois, j'en vois et je me dis, mais comment? Pourquoi? Comment en prenant la photo, la personne ne s'est pas dit, oh, je vais en refaire une. Franchement, elle voit la photo, elle fait parfait. Alors qu'il n'y a rien nickel. Qui va. Nickel. Le bruit, le cadrage, le posing, tu vois, le faciès, l'éclairage, oui. Rien. Il n'y a pas de sourire parce qu'ils sont trop concentrés en fait à appuyer sur le bouton. Ah, c'était. Ah, putain, excellent. Et les On vieux. Vous aime les vieux, hein, mais qu'est-ce que vous êtes cons. Non, on parlait de tes cauchemars. Oui, mais sauf que je n'en ai point en tête. Non, t'en as pas. Parce que c'est pour ça que je te posais la question, parce que j'en avais pas non plus. Non. Si en réalité, pour te laisser le temps de réfléchir. Vite, il me met la pression pour que faut que je réfléchisse. Une fois, quand j'étais petit, j'avais fait le cauchemar le plus mignon du monde. J'avais rêvé que la maîtresse était une sorcière. Oh non, c'est une sorcière. Voilà. Et du coup, j'étais terrifié dans mon rêve. La traîtresse. Exact. Surtout que j'étais amoureux d'une de mes institutrices, mais bon. Madame Metz. C'est vrai. Vous reconnaissez. C'est vrai. Oui. Oh, ouais, le charreau, le gérontophile. Directement. Et aujourd'hui, je pense qu'en la voyant avec les cartes, t'aurais des cauchemars. Ouais, il y a moyen. Non, l'amour. Elle devait avoir, entre 20, 28 et max 34 ans. Et t'avais quel âge? Et moi, j'avais 11 ans. Ah, non, non, j'avais 9 ans, pardon. Oh, ça va, elle aurait 40, 50 ans. Ça va, hein, franchement. 40. Bah, non, elle aurait plus. Elle aurait 50, 60 d'ailleurs. Plus 50, 60. C'est ça, exact, ouais. Waouh. Donc, ouais, j'avais pas fait. Non, elle aurait 45, 50. Donc ça va en fait, finalement. Moi, un de mes cauchemars, c'est les mathématiques. Je vous l'ai dit ou pas? Eh hey, mais en fait, Macron, hey, il sort avec une vieille ou quoi? Lol. Ouais. Non, voilà, j'avais fait ce cauchemar-là. Je me rappelle aussi que un jour, j'étais dans mon, j'avais encore un parc pour dormir. En parlant de Macron, attends, c'était une de ses anciennes profs en plus? Oui. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est peut-être ce qui t'attend. Ouais. Bon, bah. Un jour, tu seras peut-être président. Emmanuel. On est ensemble? On est ensemble. On est là. Par contre, je parlais pas d'Emmanuel Macron, mais de mon instinct qui s'appelait Emmanuel aussi. Ah. Donc je voilà, il y a trop de similitudes avec cette histoire. Ouais, je veux vraiment finir c'est avec. Sûr, c'est sûr, c'est sûr et certain. Mais non, une fois, je me souviens, c'est vraiment un souvenir assez précis, mais en même temps très flou, parce que j'étais vraiment très petit, puisque je me souviens que j'étais encore dans un parc. Mmh. Et je dormais dans la chambre de mon frère, qui était juste à côté, en train de dormir. Et il y avait un orage, et j'ai eu une crise de panique absolument incroyable. Je n'en pouvais plus, et j'ai crié... Pour que ma mère m'entende, j'ai crié « Maman, maman, au secours !» Et mon frère, lui, dormait à poing fermé, je ne sais comment il a fait, mais il a réussi à ne pas se réveiller alors que j'étais vraiment en train de crier là, à la mort. Moi, j'étais là, il a crié « Ta gueule !» Je pense, ouais. Et du coup, voilà, ma mère est arrivée me rassurer, ça fait plaisir. Merci, maman. Ah là là, les mamans. Ça, c'est les vrais... Quel crack les mamans, ouais. Hein, des vrais mais boss. Je trouve ça fou quand même d'avoir un souvenir pareil, parce que dans un parc, j'avais quoi ? J'avais moins de 3 ans. Donc, c'est le seul souvenir que j'ai de toute mon enfance, vraiment enfance bébé, quoi. Ah ouais ? Ouais. C'est juste ça ? Bah ouais. Parce que c'est traumatisant, quoi. Ouais, voilà. Mm. Mais enfance, à partir de 5 ans, ça, j'ai quand même des trucs. À peu près. C'est vrai que c'est... La mémoire, c'est quand même un truc de ouf, parce que tu peux te souvenir de certains trucs avec... extrêmement de précision, tu vois, genre vraiment la texture, l'odeur, machin et tout. Alors que globalement, ouais, je sais même plus ce que j'ai mangé en fait. La dernière fois. Si c'était un McDo, waouh, c'est reluisant. Merci. Écoute, en tout cas, merci de m'avoir laissé ce temps de répit pour chercher un cauchemar. Parce car que tu n'en as trouvé aucun, c'est sûr. Mais en vrai, je dois t'avouer que depuis la dernière fois, j'ai pas beaucoup rêvé. Moi ni non fait plus. De cauchemar, j'en fais cette dernière année là, quasiment là. Je crois que j'ai peut-être dû en faire un. Mais genre, en fait, pendant le cauchemar, comme j'en ai déjà fait, je me dis, attends, mais c'est impossible, c'est un cauchemar. Et là, je me réveille et je fais, oh bah voilà. Ah, sérieux ? Ouais, en vrai, c'est ça. Genre le gars ultra cartésien. Non. Un clown tueur. Et là, tu te réveilles, il y en a vraiment. Et là, je me réveille pas du tout. En fait, non. Non, non. D'ailleurs, je suis bruteur hein, de sons de films d'horreur. Par exemple, un coup de couteau. Un coup de hache. Attends, c'est le même son. Une voiture qui te percute. C'est vraiment le même son. Non, mais... Où il y avait... Ah, il y avait peut-être T'as pas une sensibilité ouais, d'artiste. Toi, je pense que je suis pas assez fort là-dedans. Ouais. Mais par contre, autre chose encore... Oui. J'avais pensé à un truc et en disant par contre, je l'ai oublié. C'est vrai, oui, je déteste clairement. Ce genre de moment. Oui. Ça, c'est un cauchemar. Si. C'était pas un cauchemar, mais c'était une paralysie du sommeil. Attends, elle a déjà fait une ? Ah non, attends. Non, c'était pas vraiment ça. Parce qu'en fait, je me suis endormi de manière comme si j'étais à la plage, donc les mains derrière la tête. Et ce qui est, j'ai dormi comme ça pendant, je sais pas, bien 5 heures. Mmh. Et du coup, en me réveillant, je n'avais plus de sang dans les bras. Ah oui, tu me l'as dit. Du coup, déjà j'avais des fourmis incroyables, mais surtout, je ne les sentais plus du tout, mes bras. Tu les as sentis amputés. Exactement. Et du coup, j'ai réussi à bouger les épaules. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que je ne pouvais rien faire. J'étais dans mon lit comme un légume. Et vraiment, j'essayais de balancer les bras pour essayer d'avoir du sang dedans, mais surtout que pendant, je sais pas, 10 secondes, je me suis dit, ça y est, je suis paralysé. J'ai vraiment fini, eu peur de ça. Et j'ai balancé les bras, et comme j'avais plus aucun contrôle dessus, j'ai le bras qui est parti vers ma tête. Et tu t'es donné et une je claque. Me suis. Tapé, mais en plus super fort. Et c'est là que je me suis dit, oh non, c'est juste que j'avais plus de sang et ça va revenir. Mais voilà, il m'a fallu un coup dans la tête pour putain, comprendre. À voir, ça doit être ridicule et terrible. Après, juste après, je me suis dit, j'ai hâte de raconter ça aux copains. C'est vrai ouais, tu leur as raconté direct en allant. Ah bah oui, direct. Ah, les copains, c'est toujours les premiers à se moquer, ceux-là. Hein. Exact. Ils aiment ça. Hein. Bien sûr. Les sao. Putain, en vrai, non. L'école, ça peut être un vrai cauchemar, mais dans la vie réelle. Hein. On en parle souvent, tu vois, le collège notamment. Moi, Je me souviens avoir vécu des trucs. Putain, je trouve que c'est pire que... Parce que tu sais, les cauchemars... En fait, ce qui caractérise... ce qui caractérise un cauchemar, je pense, c'est ce côté... je suis confronté à une menace dont je ne peux pas m'enfuir, tu vois. Ouais. Et notamment, par exemple, les trucs comme le harcèlement scolaire ou des trucs comme ça, je pense que ça s'apparente vraiment à ça, sauf que bah, c'est la réalité. Exact. Ça, c'est pire que tout. Mais ouais, c'est dur le harcèlement scolaire, c'est très très dur. Attends, en parlant de ah bah je propose qu'on finisse sur ça, il nous reste à peu près une bonne dizaine de minutes. Oui. Je propose parce que là je viens de repenser à Full Metal Alchemist. Mm-hmm. Vous l'avez tous vu le manga, non ou pas? Non. Et en fait au bout d'un moment bon, je vais vous le spoiler mais je vous spoil juste un truc. Donc attention, si vous voulez voir Full Metal Alchemist, bouchez-vous les oreilles, mais en gros, au bout d'un moment, non, vraiment, tu veux le voir ou pas? Moi, je te l'ai conseillé, franchement, je suis sûr que ça te plairait. Bah, ouais, en vrai, oui. Ok, bah. Mais vas-y, dis. Et en fait, il y a le héros de l'histoire fait connaissance avec une fille qui a un chien, et en fait, en gros, dans l'œuvre, tu peux faire de l'alchimie. C'est-à-dire, tu peux transformer les objets, les combiner et tout. Et en fait, un jour, il revient et il s'est rendu compte que le père de la fille a fait fusionner le chien et la fille. Ok. Et genre, c'est vraiment horrible. Vraiment, vraiment, c'est terrible, terrible. C'est bon. Good. Ah. Tous les gens qui ont vu cette œuvre se souviennent atrocement du passage que je viens d'évoquer, et c'est terrible. Et c'est terrible. Petite dédicace à Larry. Yes. Larry le rappelle. Le rappeur de Stras. Et bah justement, moi, c'est vraiment un monstre qui m'a encore aujourd'hui, qui me hante cette image. Donc je propose qu'on finisse, il nous reste 5 minutes, sur. Un monstre qui nous hante. Un monstre qui nous hante. Ok. C'est après 2 minutes chacun. Allez, go. Toi, t'en as déjà un? Non, moi j'en ai. Ou alors pas forcément qui te hante, mais où quand tu vois en tant que créature, tu dis waouh, c'est vraiment démoniaque, ultra réussi, tu vois, un truc comme ça. Moi c'est dans Insidious. Ok. Il y a une grand-mère avec une bougie, une grand-mère avec des cheveux longs et épais et noirs, et celle-là pendant très longtemps, genre de temps en temps, je la voyais, enfin quand j'y pensais, je la voyais en fermant les yeux avant de dormir. Et je haïssais, en fait. Ah ouais? C'était ouais, une elle image plus qui que me... la nonne. Ouais, bah je crois que c'était pas encore sorti à ce moment-là. Ah ok, d'accord. Mais ouais, cette image de Insidious me terrifiait au plus haut point, et je repensais au violon là. Je le fais bien. Magnifique votre violon. Tu fais des bruits de plantage et moi je fais des bruits de violon. Attention la contrebasse. Ouais, je valide moyennement, mais okay. Bon. Mais putain, parce que toute cette scène avec la nonne d'ailleurs est vraiment est très forte. Vraiment la une nonne des et scènes. Le tableau. Une, si des, ouais, vous, une des meilleures scènes. Si vous avez la ref, bah vous savez. Une des meilleures vous scènes du cinéma d'horreur, je trouve. Toi, un monstre? Bah, du coup, c'est dans Spider-Man. Quoi? Non, c'est une blague. Quoi? Bon, allez, moi, yeah, j'ai même pas parlé de Spider-Man cette fois. Quelqu'un le fait à ma place. Quel bonheur. Et bah c'est l'homme vert. Ouais, le bouffon vert. Le bouffon vert, pardon. Et voilà. L'homme vert. Par contre, ça, je ne pardonne pas. Ouais. C'est éliminatoire. Chez Vincent, c'est éliminatoire. Hein. Et du coup, voilà, j'ai eu très peur de lui. C'est quand t'étais petite. Regardé... Ouais. Ouais. Et je comprends, c'est vrai qu'il est. J'ai eu hyper peur. Il fait très agressif. Il fait flipper, ouais. Ouais. Et c'est tout. Ok. Écoute, toujours droit au but, quoi. Il n'y a pas de fioriture, rien. Bah, l'OM, toujours. Attends, tu viens de citer l'OM, toi? Oui. Franchement, tu baisses dans mon estime. Je crois que t'es un homme de valeur. Mais non, mais affilié à jamais au PSG. Mais toujours le Paris Saint-Germain et Strasbourg. T'es v'là la grande salope. V'là la grande salope. Moi, en foot, je change de maillot comme de... Chemise. Yes. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu veux finir sur l'anecdote sexuelle dont tu nous as parlé hier au foot, tu sais, quand on était au bar, là? Attends. Avec la... Attends. Le sport de beauf, tu sais. Oui, ça. Oui, attends, c'était quoi déjà? Tout ça. Non, mais sinon, laisse tomber, c'est pas grave, on la gardera pour plus tard. Ouais. Ok, on fait quand ça. Quand on parlera de sport. Bon, moi, je propose qu'on en prenne deux derniers chacun ou un chacun? Deux. Deux chacun? Allez, ok. Deux chacun. Et est-ce qu'on prend des trucs à peu près pareils? Genre, il y en a un qui va avoir de la merde et l'autre non? Bah tiens, là, il y a ceux-là. T'as qu'à prendre ça. Toi, tu prends ça. Non, mais on en prend deux. Ah, ok. Et moi, je prends ça. Ouais. Mais du coup, on est sûr d'avoir de la merde. On pourrait... oui, c'est vrai. Ouais. Ok, donc, bah tiens, alors, moi, je te donne celui-là, tu m'en donnes un. Ouais. J'ai celui-là et Celui-là, et attends, c'est quoi ça? Ah, je crois que je l'ai pas. Oh non, mais c'est réglisse le noir. À qui il en manque un? Moi j'en ai deux là. Moi aussi j'en ai deux. Ah bah moi aussi en fait. Ok. Je suis trop bête. Ok, matins, donc le noir, dit. Si je me rappelle bien, c'est soit. C'est parti. Soit réglisse, soit. Soit P de putois. P de putois. Et moi, je sais quoi déjà? Oh, j'ai de nouveau eu réglisse. C'est vrai? J'aurais préféré P de putois. Oh non, je suis sûr que je vais encore avoir la nourriture pour chien en conserve. Mais oui, vous avez eu les deux chocolats, donc c'est sûr. Mais attends, prends un autre. C'est sûr, en fait, c'était sûr. Ah, cool. Bah, moi, je crois que j'ai eu P de putois, mais c'est bon. C'est vrai? C'est bon? Quoi? C'est pas choquant. Mais je t'ai dit, mec, tous les trucs qui puent, elle a kiffé. C'est inquiétant. Moi, j'ai eu réglisse, j'ai pas aimé. Bon, alors moi, j'ai les cahiers ou noix de coco. Alors? Noix de coco. Oh, chatte. Ouais. Après, pour certains, c'est vraiment immonde, la noix de coco. Ceux qui détestent les bounty et tout, là. Les bounty. Moi, là, je crois que j'ai soit œuf pourri, soit popcorn. Oh là là, celui-là, il est dur. Il est très dur. Ah non, c'est celui-là. Vas-y, je vais prendre celui-là. Oh, j'ai punaise ou marshmallow grillé. Let's go. C'est pas le bon. C'est quoi, booger, déjà? Oh oui, marshmallow grillé. Je sais pas. Yes. Putain, j'ai fait un sans faute sur les bonbons ce soir. Oh non, j'ai eu poisson mort. Ah là, c'est sûr à 100%. C'est vrai. Oh, quelle horreur. J'ai eu envie de dire fais voir. Premièrement, je me suis rendu compte que impossible. Et deuxièmement, pas envie du tout en fait. Ah ouais, je suis grave bien là. Oh, je suis Gucci là. Ouf. Ça, quel plaisir. Super. Attends, je fais un peu d'ASMR. Le cauchemar de certains de nos amis. Quel bâtard. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Ouais. C'est le temps écoulé. C'était l'épisode d'Halloween. Vincent. Je vous souhaite de regarder un film en mangeant des bonbons sous la couette. Moi, j'adorerais à l'heure actuelle, oui. Regarder un bon petit film d'horreur là, hein, qui est un bon. Quelques recommandations. Conjuring, vous pouvez y aller. Inside Use, vous pouvez y aller. Et. Bah, Alien. Alien. Enfin, les classiques, Alien. Tu vois. Genre. Ouija. Ouija. Okay. Oui. Ok. Moi, je dirais Gremlins, Alien, The Thing, Shining. Le projet de Blair Witch. Enfin, je trouve que les vieux films d'horreur ou d'épouvante sont plus réussis que les récents, en toute franchise. Donc, voilà. Ok. Je trouve que le côté vintage apporte un côté un peu plus crédible, tu vois. Vu que maintenant tout est ultra léché, machin et tout. Et numérique aussi, ouais, de temps en temps. Il y a un côté machin. Alors que parfois, les effets pratiques dans les films d'horreur, je trouve qu'ils marchent mieux que les effets visuels. Bref. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore failli prendre sa bière. Super. On ne prend pas les bières des autres. C'est vrai. C'est le code numéro 1 du footeur. Exact. Prenez soin de vous. C'est le plus important. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.